Alors, vous êtes à l'écoute de Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Alors, comme on vous l'a déjà mentionné à l'émission, l'année 2015 a été consacrée l'année internationale de la lumière par l'UNESCO et nous en profiterons à Futur Simple pour vous parler de la lumière sous tous ses aspects. Or, la lumière est une composante de tout spectacle, si bien qu'elle peut constituer un spectacle en soi. On n'a qu'à penser aux feux d'artifice. Alors ce soir, ce sont de nombreux phénomènes lumineux qui se produisent dans le ciel dont nous allons parler. Et pour nous les expliquer, je reçois Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, François. Alors Jean-René, la lumière du soleil nous éclaire et nous réchauffe. Et nous en retirons un grand bienfait. En plus, elle nous offre de nombreux spectacles. Alors, Jean-René, commençons par le fond de scène. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se fait-il que le ciel est bleu? Ah, le ciel est bleu, c'est si on était dans l'espace, en fait, le ciel serait vraiment noir et on verrait en plein jour les étoiles. Comme sur la Lune, quoi. Et la couleur bleue du ciel est due à un phénomène de physique assez simple mais complexe. Et ce qui se produit, c'est qu'au lieu de voir le ciel noir, en fait, c'est qu'on voit une partie de la lumière du soleil qui a été comme reflétée de multiples fois par les molécules dominantes du gaz atmosphérique que sont la molécule d'azote et la molécule d'oxygène. Elles sont très petites, en fait. Beaucoup, des millions de fois plus petites que l'épaisseur d'un cheveu. Et l'effet de cette interaction de la lumière du soleil avec des petits objets comme les molécules, c'est de privilégier la diffusion dans toutes les directions des longueurs d'onde des plus courtes émises par le soleil que notre œil peut voir, donc la lumière bleue. OK, ou violette en fait. Ou violette, en effet. Parce que, comme l'a découvert le grand physicien Newton au 17e siècle, la lumière comme telle, qui nous paraît blanche, le soleil d'ailleurs a une couleur blanche, on le voit par la couleur des nuages, la couleur de la lune, et non pas jaune comme on le pense parfois et comme les enfants le dessinent, le soleil a... On peut décomposer, étaler la lumière à l'aide de prismes, par exemple, et on voit que la lumière blanche du soleil s'étale en un éventail de couleurs allant du bleu jusqu'au rouge. Un éventail continu, à part continue, ça. Donc, continue. Ce qui en fait, c'est que quand on parle en termes de longueur d'onde ou de fréquence, en longueur d'onde, la lumière bleue est beaucoup plus courte, deux fois plus courte que la lumière rouge comme telle. Okay. Donc, les propriétés sont différentes. Elles sont différentes et les molécules vont, en quelque sorte, intercepter et renvoyer environ 16 fois plus efficacement la lumière bleue que la lumière rouge. Ah bon, OK. Donc, et ce phénomène, on peut le voir parfois, et moins maintenant, parce que les gens ont arrêté de fumer dans les bars. Lorsqu'il y avait lumière bleue, flash, lumière rouge, flash, on voyait à travers la scène ou la salle en lumière rouge et pas en lumière bleue parce qu'il y avait diffusion plus grande. Donc, le ciel est bleu simplement parce que c'est une partie de la lumière émise par le soleil et celle-là diffuse et se répartit à travers tout le gaz atmosphérique dans toutes les directions. Et est-ce que c'est une grosse partie ou c'est rien qu'une petite partie de la lumière? C'est une petite partie de la lumière, on dira. En gros, de la partie, ça constitue à peu près le centième peut-être de la lumière. Le reste nous parvient plutôt directement en termes de lumière et de chaleur. Et tout à l'heure, on parlait effectivement de la lumière qui passe à travers un prisme. Donc, le soleil, effectivement, émet de la lumière blanche, mais composée de toutes les couleurs. Et quelle est la lumière la plus abondante dans le spectre? Oui, c'est une bonne question. La lumière la plus abondante correspond en effet à la couleur jaune. Ah, c'est le jaune. Okay. Donc, ouais. Donc, disons qu'il y a peut-être une raison de dire que le soleil est jaune, mais en fait, notre œil est fait pour composer tout ça, remettre tout ça ensemble et voir la lumière du soleil, elle est blanche. Comme je vous l'ai dit, couleur des nuages, couleur de la neige. Et si on était sur une autre planète, comme sur Mars par exemple, est-ce que le ciel serait bleu aussi ou il serait d'une autre couleur? Le soleil sur Mars est rouge Et le soleil? Oui, le soleil paraîtrait orange-rouge, un peu comme nous, on le voit au coucher ou au lever du soleil, et l'effet est le même. Ce qui se produit, c'est que l'atmosphère, on a parlé de molécules, mais surtout dans les basses couches, il y a une grande quantité de poussière. Poussière naturelle, poussière produite artificielle par l'activité humaine. Et ces poussières sont dans les premiers kilomètres de l'atmosphère terrestre. Et on voit leur effet lorsque le soleil se couche ou se lève, de même que pour la Lune, de même que pour les étoiles. Oui, c'est un fait. Et les particules de poussière sont beaucoup plus grosses. La grosseur à peu près d'un dixième de millimètre. Et sont en suspension. Et ces poussières-là vont bloquer littéralement à peu près toutes les longueurs d'onde dont on a mentionné, le bleu, le vert, le violet, et un peu le jaune, mais à peu près pas le rouge. De sorte qu'on seulement la lumière de longueur d'onde plus grande, donc rouge, va passer. Okay. Et l'atmosphère de Mars, pour revenir à Mars, est remplie de poussière. La surface, on le voit, cette poussière est soulevée par des vents. Même si l'atmosphère est environ 100 fois moins dense, il y a quand même des tempêtes de sable et l'atmosphère est pratiquement continuellement remplie de poussière. Okay. Et il y a le même effet que sur Mars, en regardant le soleil d'à peu près dans toutes les directions, que de voir un soleil plutôt rouge, que pour nous de voir cet effet-là, surtout seulement quand le soleil est plutôt bas à l'horizon. Okay. Le même effet s'applique à la Lune aussi. Et le ciel sur Mars, on parlait du ciel maintenant, parce qu'il y a une composition de l'atmosphère. Une composition d'azote, dominée par l'azote. De l'azote, et du gaz carbonique. Gaz carbonique. Ouais, est-ce que la nature des gaz change la coloration ou c'est une question de... Tous les gaz, toutes ces molécules, s'il n'y avait pas de poussière sur Mars, le ciel serait bleu. Ah bon, il serait bleu aussi. Oui, absolument. Donc, c'est vraiment l'effet d'opacité introduite par une grande présence de poussière. OK. Et dans la perception de la couleur, là, je sors peut-être un petit peu du sujet. Est-ce que nous, on voit le ciel bleu, mais est-ce que les animaux, est-ce que tout le monde voit le ciel bleu? Non, c'est un domaine que je connais un peu moins, mais il y a beaucoup d'animaux où la sensibilité est beaucoup plus dans le rouge et même dans l'infrarouge. Okay. En particulier pour les animaux nocturnes sont sensibles dans l'infrarouge auquel nous, on n'est pas sensibles, et c'est pour ça qu'ils vont travailler la nuit. OK. Et faire leur activité la nuit. Donc, le ciel n'est pas bleu pour toute vie sur Terre. Non, exactement. Okay. Donc, c'est un bon point parce que leur œil s'est développé d'une façon évolutive pour être plus sensible à d'autres... Pour des besoins spécifiques. Mais nous, il y a un avantage parce qu'on est sensible justement à la partie du spectre émis par le soleil, à la partie où la plus grande quantité d'énergie est émise, en fait. OK. Donc, on en tire profit, effectivement. Et maintenant, si on revient à la couleur des nuages, pourquoi est-ce qu'ils sont blancs, les nuages? Les nuages sont blancs parce que, finalement, ils reflètent exactement la couleur du soleil. Et les nuages sont blancs parce que les nuages sont constitués de micro-gouttelettes d'eau. Elles sont toutes petites. Les gouttes de pluie qu'on a en été ont à peu près 1 à 3 millimètres. Il y en a qui peuvent être plus grosses dans les grosses pluies. Et elles tombent. Mais là, il y a beaucoup de vapeur d'eau, de présence d'eau dans l'atmosphère, comme je parlais des poussières, et il y a dans la première phase de condensation, ce sont des micro-gouttelettes qui ont à peu près un dixième à un centième de millimètre. Elles sont toutes petites. Et quand elles sont toutes petites, elles ne font que réfléchir la lumière du soleil. Elles peuvent être en grande quantité et on les voit sous forme de nuages. Donc, et ils sont blancs. Si il y a moins de lumière ou si le soleil est en arrière du nuage, on va voir le nuage gris. Et gris, c'est simplement du blanc avec moins d'intensité. Exactement. Et encore moins d'intensité, ça vient noir. Autrement dit, si le soleil émettait rouge, les nuages seraient rouges. Absolument, oui. Ok, je comprends. Et en été, en fait, un phénomène lumineux que l'on observe souvent, c'est l'arc-en-ciel. Bon, alors, quelles sont les conditions que ça prend pour avoir un arc-en-ciel? Ouais. Donc, l'arc-en-ciel est un phénomène qui est expliqué par Descartes au 17e siècle, et encore mieux plus récemment. C'est un phénomène optique qui vient du fait que là, on a des gouttes d'eau, comme celles de la pluie, assez grandes, et ces gouttes d'eau, en fait, vont agir à la fois comme un petit prisme qui étale la lumière du soleil en ses différentes couleurs, et aussi le fait que la goutte d'eau, quand la lumière y pénètre, elle s'étale en couleur. Comme dans un prisme. Et quand elle arrive dans le fond de la goutte, c'est comme un petit miroir qui nous renvoie cette lumière étalée en couleur. OK. Et cette lumière est déviée d'un angle d'à peu près 42 degrés. Okay. Donc, quand finalement vous regardez, et ce phénomène, parce que c'est une réflexion, vous voyez l'arc-en-ciel avec toujours le soleil dans le dos. C'est vrai, oui. Donc ça, c'est une condition importante. Et ce que vous voyez, c'est que vous êtes en train de regarder une réflexion et une réfraction ou étalement de la couleur du soleil qui est dans votre dos, mais qui vous est renvoyé par le fond de la gouttelette d'eau devant vous. Et il y a l'angle du soleil est dévié de 42 degrés. Donc, vous regardez en quelque sorte dans une direction qui fait comme un grand sec de 42 degrés de diamètre. Uh-huh. Mais à chaque point, c'est que vous regardez une image du soleil qui est reproduit par chaque goutte d'eau, mais décomposée, étalée dans ses couleurs. OK, donc chaque point est une image comme, soleil. C'est comme vous avez comme une petite image soleil, mais tout ça physiquement fonctionne très bien. Ça donne la beauté de l'arc-en-ciel. Et j'ai parlé d'une réflexion au fond de la goutte. Il peut y avoir deux réflexions de la goutte. Et ça va vous donner le second arc-en-ciel que vous voyez à une plus grande distance. Et là où les couleurs sont inversées, si l'arc-en-ciel intérieur a les couleurs plus à l'intérieur, bleu, vert, jaune, rouge, l'arc-en-ciel externe va être, lui, l'inverse, rouge, jaune, vert, bleu. Mais la lumière pour le second arc-en-ciel vient aussi du soleil ou c'est absolument, la lumière? Toujours. Okay. C'est pas une réflexion de la première goutte d'eau, là. C'est-à-dire c'est du premier toujours arc-en-ciel. En fait l'ensemble des mêmes gouttes d'eau, mais il y a un certain nombre d'entre elles qui vont, la lumière va rentrer dans la goutte, va être réfléchie deux fois. En fait, si on était très sensible, on pourrait en voir peut-être une troisième réflexion. OK. Et est-ce que la position du soleil dans le ciel a un impact sur la taille ou l'intensité de l'arc-en-ciel? En fait, jusqu'à un certain point, ça va toujours être diamétralement opposé. Okay. Donc, le midi, vous verrez probablement pas d'arc-en-ciel parce que le soleil est trop haut. Donc, vous êtes pas... Donc, l'arc-en-ciel, vous allez le voir plutôt le matin, l'après-midi ou en soirée. Ouais, je comprends. Puis effectivement, si l'angle est de 42 degrés, ça veut dire que si le soleil est au-dessus de 42 degrés, il ne peut pas en avoir, effectivement. Si on trouve un autre observateur, mettons que je vois un arc-en-ciel et que j'ai un autre observateur qui est à 5 km de moi, est-ce qu'il va voir la même chose que moi? Il va voir d'autres choses? Ça dépend de la position des gouttes de pluie par rapport à lui. Donc, par rapport à lui. Donc, l'arc-en-ciel est toujours situé, en fait, à l'endroit où est ce nuage de pluie. Dans votre jardin, si vous arrosez, vous pouvez produire votre propre arc-en-ciel. Donc, c'est un phénomène que vous pouvez produire à la maison. Et est-ce qu'on peut voir un arc-en-ciel du haut d'un avion? On peut voir un arc-en-ciel du haut d'un avion. Moi, j'ai vu des arc-en-ciel du haut d'une montagne et vous pouvez les voir en bas de vous et des arc-en-ciel produits par la Lune. Et oui, puis à ce moment-là, on les voit tout au complet, là, parce que. Presque, oui. Si on est en vrai. Et est-ce qu'un arc-en-ciel peut être aussi visible? Est-ce qu'il peut s'en former sur d'autres planètes? Ça prendrait des températures suffisamment élevées pour que l'eau soit sous forme de gouttelettes. Sinon, ce sont d'autres phénomènes comme ceux qu'on voit en hiver et qu'on va parler dans un instant. Mais est-ce que ça pourrait être aussi d'autres liquides comme, de l'ammoniac ou du méthane, par exemple, liquéfié? Une bonne question. Ouais. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Si la forme des gouttes du liquide est sous forme petites gouttelettes et qui ont un indice de réfraction capable d'étaler la lumière en ces différentes couleurs. On pourrait imaginer, par exemple, sur Titan, lorsqu'il y a une pluie de méthane, est-ce qu'il y aurait un arc-en-ciel? Peut-être que je me lance d'une grande spéculation. OK. Maintenant, on va parler d'un autre phénomène dont vous avez commencé à parler, alors qui peut être observé en hiver et qui est documenté depuis l'Antiquité, les soleils fantômes ou encore ce qu'on appelle aussi des Parilli. Qu'est-ce que c'est que des soleils fantômes, Jean-René, et comment ça se forme? Donc, ce sont des phénomènes qu'on voit en hiver parce que là, au lieu de parler de gouttelettes d'eau, on parle de l'eau sous forme de microcristaux, de l'ordre, encore une fois, d'un dixième et à un centième de millimètre, en suspension dans l'air très, très froid. Donc, l'eau se cristallise dans de beaux petits cristaux qui ont la forme d'hexaèdre, c'est-à-dire prenez le crayon de plomb qui a, c'est oui, un cylindre, oui, mais avec oui. 6 faces. Donc, les cristaux de glace ont cette propriété, d'ailleurs, comme les flocons de neige, qui sont plus gros. Les micro-cristaux de glace ont cette forme de petite cylindre, de petite bande, toute petite, là, j'ai donné les dimensions, et ils peuvent être allongés ou plutôt plats, comme okay. de petits disques à 6 côtés. Okay. Donc, là, c'est un phénomène où il a fallu faire beaucoup plus de recherches, ce n'est que depuis que quelques années qu'on comprend qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a ces espèces de grands anneaux hérissés, les halos, comme tels, avec des couleurs, et surtout pourquoi on a ces fameux soleils fantômes de part et d'autre du soleil, et parfois un autre au-dessus, à peu près à 22 degrés du soleil de part et d'autre. Et finalement, on s'est rendu compte que là, on n'a pas une réfraction et réflexion comme dans le cas des gouttes d'eau, parce que là, on les voit vraiment en regardant le soleil devant nous. Oui, okay. Donc, ce sont des couches de glace dans la basse atmosphère qui vont finalement faire un effet de prisme. Ce sont les cristaux de glace, c'est-à-dire qu'ils vont faire un effet. Donc, ils vont faire un peu dans l'arc-en-ciel, sauf que là, on les voit en direct. C'est la lumière du soleil qui pénètre dans ces cristaux et qui agissent comme de petits prismes, et ce qui vont faire que vous allez voir finalement une image du soleil, mais vous allez voir une image un peu décomposé en couleurs, comme l'arc-en-ciel, sauf que c'est bien localisé, même que dans beaucoup de traditions antiques, on donnait le nom de sun dogs, les chiens du soleil, qui sont toujours des accompagnateurs. Et ce sont des phénomènes qu'on voit essentiellement en hiver à cause des basses températures. Et ces parélies-là ou ces sun dogs se retrouvent de part et d'autre du soleil. Des fois, il peut y en avoir un ou... Oui, mais c'est justement un effet de la présence de cristaux. Souvent, on n'en voit qu'un et on verra peut-être l'autre en se forçant. On va voir qu'il est beaucoup plus faible. Oui. Okay. Et il va dépendre beaucoup de votre position par rapport au soleil et de la position et de la présence des cristaux. Quelqu'un qui est à 1 kilomètre plus loin ou ne le verra pas nécessairement. Okay. Je comprends. Et j'imagine que si la distribution des cristaux était plutôt aléatoire, à ce moment-là, on verrait peut-être un halo complet plutôt que voir des... Oui, il y a un halo complet. Donc, il y a justement, un effet qui va favoriser la présence et la visibilité des parélies. Ça sera justement une stratification qui va placer un peu des cristaux et qui va les enligner. Et il y a un autre phénomène associé à ça, c'est quand les cristaux, au lieu d'être des petits bâtonnets, petits hexagones, ils sont des petites sections, des petits plats, des petites assiettes, des tranches, et là, qui un peu s'empilent et font une structure. Et au lieu de voir des sun dogs, vous allez voir au coucher, avant le coucher, vous allez voir comme une colonne de lumière qui semble s'élever au-dessus du soleil. Okay. Et ça, c'est encore un effet qui est relié, mais ce sont plutôt produits par des petits disques comme tels qui agissent comme de petits prismes. Okay. Mais là, c'est plutôt la propriété simplement de réflexion. Ils ne décomposent pas la lumière. Donc, c'est comme une pile de petits miroirs qui, en quelque sorte, dans les couches, vont vous donner l'impression d'une colonne de lumière au-dessus du soleil. Et on peut voir aussi le phénomène au-dessus de certaines lumières très brillantes dans la ville, par exemple, si les conditions sont favorables. C'est ce qu'on appelle les piliers solaires. Ce seraient des piliers de lumière associés à des lampadaires, par exemple. Et ça arrive seulement qu'en hiver, c'est ça? Il faut qu'il y ait cristaux de glace dans l'atmosphère. Okay. Oui. Et on a un dernier phénomène aussi qui s'appelle le soleil vert, je crois. Le rayon vert. Ouais, rayon vert. Green flash. Ça, s'il y a beaucoup de légendes autour de ça, des gens pensent que c'est extrêmement rare, alors que le rayon vert est un phénomène relativement fréquent. Et ici, étonnamment, en général, on l'observe plutôt au-dessus de la mer. Faut être en mer ou être sur le bord d'une côte avoir un horizon très lointain. Et ce qu'on a besoin, en fait, c'est qu'on a besoin d'une surface qui va faire en sorte qu'il va y avoir une stratification en température assez importante, très proche de la surface, à grande distance, de sorte que quand le soleil se couche, ou la lune se couche, ou une étoile se couche, cette stratification importante en température va avoir les mêmes propriétés qu'un prisme. Donc, va étaler la lumière de l'objet qui se couche. Dans ce cas-ci, on parle du soleil. Donc, ce qui va arriver, c'est comme ça va étaler la lumière. Donc, le soleil, au lieu d'être plutôt rond, va être un peu étiré. Donc, on va avoir le soleil rouge qui, lui, est moins étalé, va se coucher le premier. Mm-hmm. Le soleil jaune se couche en dernier. Le soleil décomposé toujours en couleur. Le soleil vert se couche ensuite. Et théoriquement, le soleil bleu se coucherait le dernier. Oui, je comprends. Donc, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de poussière. Donc, le soleil bleu, on ne voit jamais. On ne le voit pas. Donc, le seul qu'on voit bien, avec c'est un phénomène toujours agréable à voir. Ça dure à peu près une seconde, une fraction de seconde, c'est le soleil vert. Et parce que ça dure très brièvement, c'est très difficile à observer, à photographier, on appelle ça le rayon vert. Et en anglais, l'expression est green flash parce que c'est vraiment très rapide. Très rapide. Et on peut l'observer, en fait, nous, ici, sans être au-dessus de la mer, on peut l'observer à cause des conditions spéciales en hiver qui produisent cette stratification de chez moi. À l'ozon, souvent, en hiver, je vois le rayon vert se produire lorsque l'horizon est assez bien dégagé et qu'il n'y a pas d'édifice. OK. Très intéressant. J'ai remarqué aussi depuis quelque temps qu'on voit un astre dans le ciel du côté ouest et il est assez brillant aussi. Je pense qu'il s'agit de la planète Vénus. Oui, ce n'est pas un UFO, c'est exactement la planète Vénus qui nous revient dans le ciel du ciel du soleil couchant qui va devenir qui va remonter un peu dans le ciel de plus en plus haut, donc on va le voir plus facilement plus longtemps au coucher du soleil et ça se produisait le matin et là dans la période où le soleil est Vénus est l'étoile du soir. OK, ça veut dire que ce que vous venez de dire, Vénus se trouve de l'autre côté du soleil. Elle est un peu comme Vénus est entre le soleil et la Terre. Oui, et c'est donc la plus proche. Donc là, est revenu d'un côté du soleil. On la voit après le coucher du soleil. OK. Pendant à peu près plusieurs mois. Et elle va être encore à son plus brillant, je pense, assez bientôt. Hein? Encore, oui, ça continue. C'est un objet très, très brillant qui confond beaucoup d'observateurs. Parfois, les gens pensent que c'est un avion et tout, mais ça bouge pas très vite. Donc, c'est Vénus, l'étoile du soir, la planète est la plus proche de la Terre. Et probablement aussi la plus brillante, j'imagine? Apparente, oui. Apparente, oui. Parce qu'après le Soleil, la Lune, je pense que c'est Vénus. Puis l'autre objet brillant, tant qu'à parler d'objet brillant dans le soir, surtout de ce temps-ci, dans la direction sud, pour les gens qui connaissent la constellation d'Orion, qui est magnifique dans la direction sud vers 9h du soir, il y a un autre objet très brillant dans le ciel, plus brillant en fait que toutes les étoiles qui sont dans le coin, c'est la planète Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire. OK. Et elle est visible? Ah, absolument. Okay. Donc, un autre objet extrêmement brillant, beaucoup plus haut dans le ciel et qu'on peut voir pendant plusieurs heures durant la soirée. Alors, je vais certainement regarder ça. Alors, merci beaucoup, Jean-René Roy, pour toutes ces explications. C'est vraiment fascinant, comme d'habitude. Alors, on se revoit à peu près dans 4 semaines. Absolument. C'est ça. Et nous allons faire maintenant une pause publicitaire et on vous revient avec Valérie, Adèle, Judith, Chana et Philippe. Alors, restez à l'écoute.